à l'événement Walk with Dignity au Rialto Paradiso, samedi le 24 mai, dès 20h. Plusieurs pensent que dans la vie, on a besoin de deux téléphones. Un sans fil et un résidentiel. Contrairement à votre ancienne compagnie téléphonique, Fido a réuni les deux en un seul appareil. Le nouveau service Fido Uno. Il détecte votre réseau Wi-Fi et vous permet de faire des appels locaux illimités de la maison. Ajoutez-le à n'importe quel forfait pour $15 par mois. Fido Uno. Une autre raison pour laquelle nous sommes le service sans fil le plus apprécié. Visitez un magasin Fido ou Fido.ca pour tous les détails. Choc FM présente les 24 heures de la bande dessinée en collaboration avec la librairie Monet, une initiative de l'émission Dans ta bulle. Du 31 mai midi au 1er juin midi, les locaux de Choc FM accueilleront une quinzaine d'auteurs professionnels qui seront invités à créer un album de 24 pages en 24 heures. Pour suivre l'action en temps réel, écoutez la chaîne principale de Choc FM et visitez le www.24hbd.choc.fm. Vous écoutez Choc FM. Bonsoir. Alors, en manchette ce soir, on parle de fourmis, on parle de toilettes et on parle de mairie. Ça, là, le Dayquil, là, en tout cas, là, c'est-tu que ça réveille? Ouais. Ça réveille. C'est ça que j'ai pris, là, puis je me sens top shape, man. Ça t'a remis sur le piton? Ah, plein, man. Dayquil. T'as-tu entendu mes manchettes tantôt? C'était débile, hein? T'as dit fourmi avec une passion inégalée. Ouais. De toute beauté. On est en studio à 70% avec Bruno Corbin et ITD. ITD. Frédéric Etterling, notre invité, n'est pas encore présent, mais il ne saurait tarder à ce que l'on espère. Destin, on espère de ça devrait, oui. Ouais, ou qu'on chiale après lui pour toute la deuxième moitié de l'émission parce que c'est pas pointé. C'est très constructif. Non, mais on a du matériel de toute façon. Hein. Oui. En background, moi, j'ai amené les remakes, bien sûr, de ce que des tunes de Chrono Trigger faites par le Overclocked Remix que j'amène assez souvent. Donc, ça va être des tunes de Chrono Trigger, là. Surprenez-vous pas si vous reconnaissez quelque chose. Non. Sinon, j'ai Speed Demon, une version qui fonctionne cette fois-ci. Ooh. Oui, parce que la première fois, on s'en rappelle, on avait été obligé d'aller l'écouter chez nous. Puis c'était même avant les visionnements aux Rockettes. Ouais, c'était il y a un moment. C'est un excellent cru que les gens sont choisis à ce soir. C'est moi, personnellement, c'est comme tant d'entre nous qui ont un douteux préféré. Moi, Speed Demon, c'est mon douteux préféré. Je l'ai mis 3 fois à mon club vidéo parce que je l'ai en DVD au club vidéo. Ah ouais, préféré. C'est mon douteux préféré. De tous ceux que tu m'as montré, t'as remis, là, c'est celui qui m'a le plus touché. Ah boy, ça a pris, ouais. Toucher, c'est un verbe approprié quand on parle de l'excellent Speed Demon. Sinon, toi, Israël, tu vas nous parler de quoi? Je sais pas, j'avais des excellentes questions. J'ai mis toutes mes forces pour trouver des excellentes questions à poser à Frédéric. Donc, je vais vous parler sinon de mon premier spectacle hip-hop. Ah ben c'est bon ça. Yeah. Oui, Bruno, ben t'es blindé, on est déjà au courant. Ouais, fait que ben je vais plugger ici, t'as une petite toune de DVDA. DVDA, c'est Double Vaginal, Double Anal. Ça vient de Orgasmo, en fait, qui ouais. est le premier. Est-ce que film. C'est Now You're a Man? Non, c'est Let's Fighting Love. Ah, Let's Fighting Love, ouais. C'est excellent, ouais. Ça vient d'un épisode de South Park. Ouais. Ça fait qu'on revient à 70% avec Frédéric Etterling, idéalement. Là. Ouais. Sinon, bon, on va arrêter de dire son nom en attendant qu'il arrive. Ça va conjurer une mauvaise sort. Suburashi Chinchimo no Kintame no Kame aru Sore no Oto Saru Bobo Ie Ninja ga imasu Hey hey let's go Kintame not more than a swallow's flight away, had discovered something. Who are you? We are the knights who say... No, not the knights who say ni. The same! Who are they? We are the keepers of the sacred words. Ni, Peng, and Ni-Wom. Those who hear them seldom live to tell the tale. The knights who say ni demand a sacrifice. Knights of ni, we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods. Ni! Ni! Ni! Ow! Ni! No! No! Ni! Ni! Ni! We shall say ni again to you if you do not appease us. Well, what is it you want? We want a shrubbery. A what? Ni! Ni! Ni! Please, please, no more. We will find you a shrubbery. You must return here with a shrubbery, or else you will never pass through this wood alive. Oh, knights of Ni, you are just and fair, and we will return with a shrubbery. One that looks nice. Of course. And not too expensive. Yes. Now, go! Oh, knights of Ni, we have brought you your shrubbery. May we go now? It is a good shrubbery. I like the laurels particularly. But there is one small problem. What is that? We are now no longer the knights who say ni. We are now the knights who say icky, icky, icky, icky, patang, zoom, boing. Therefore, we must give you a test. What is this test, O knights of knights who till recently said ni? Firstly, you must find another shrubbery. Not another shrubbery. Then, when you have found the shrubbery, you must place it here beside this shrubbery, only slightly higher, so you get a two-level effect with a little path running down the middle. A path, a path, a path, a path. Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest with... Vous écoutez 70% à chaque FM. Là, si ça me prend 70% à chaque FM. C'est passé. Il l'a dit deux fois. Je sais pas, il y a une espèce d'entwine là, il nous fait un fade in, fade out là, des deux affaires en même temps. Là. Faudrait régler ça ce problème. Ça se peut-tu qu'on ait du gear de marde? Ah non, non, non, non, non, non, non, non, okay. Non, c'est impossible, c'est le lecteur Windows Media Player. Ah, ok, c'est ça. Ça peut pas... Ça en tout cas, moi j'avais quelque chose à dire d'intéressant là, par rapport à la chanson Let's Fighting Love de DVD oui. Qu'on a écouté tout à l'heure. En tout cas, il y a des gens qui trouvaient ça intéressant quand j'en parlais. C'est que en fait, la personne qui chante en ce moment, c'est Trey Parker, le créateur de South Park. Et c'est sûr que ce qu'il dit en ce moment, ça a de l'allure parce que ce gars-là étudie en japonais. Oh, fait ouais. Que ce qui serait intéressant, ce serait d'essayer de trouver une traduction de cette toune-là. Oh boy! Ouais. Pis toi, pour vrai? Ouais, pour vrai, ouais. Il étudie en japonais. Il étudie en japonais, il sait parler le japonais fluettement. Fluemment. Ouais. Oh ben c'est apprécié, hein. On en apprend des affaires, sinon, ouais. Ben tu vas nous faire une autre nouvelle. D'accord. Hein? Ah ouais, ça fait mal. Oh, on va commencer avec quelque chose de fort. Prêt. Ok, en 1997, un groupe de jeunes amis ont pris des tranches de fromage jaune-orange enveloppées individuellement et les ont lancées sur la grille de leur barbecue histoire de savoir qu'est-ce que ça allait faire. À leur grande surprise, le plastique n'a pas fondu. À la place, le fromage a pris de l'expansion et l'objet ressemblait à un coussin gonflé. Le cheese racing était né. Attends. Le but étant que la tranche de fromage se gonfle avant celle de l'autre. De plus amples détails, ainsi que des vidéos et des entrevues avec des gens qui semblent avoir des vies passionnantes, sont disponibles au www.cheeseracing.org. .cheeseracing.org. Est-ce que tu mets des traits d'union, s'il te plaît? Non, en un seul mot. Je pense que je vais taper ici www.cheeseracing, qui est une activité quand même très saine. Qui est un qui appelle un cutting edge new Le plastique fond pas. Le plastique fond pas, ça gonfle. Est-ce que t'es sur le site, Tommy? Là, j'ai essayé pas de trait d'union, là, je pèse, il l'a pas, man, .com. Ben, essaye .com d'abord, ça se peut que moi j'aille faire une erreur dans mes affaires, excuse-moi. C'est ouf. Aïe, ça vaut la peine, là. Mais c'est comment qu'ils font ça? Ah, ils pitchent sur la grille du barbecue, là. Pendant qu'il est allumé, le barbecue. Welcome to the world of professional cheese racing. Hein? C'est à quelle discipline olympique? Cheeseracing.org, ici, pas d'accent, bien sûr. Ouais. Finally, cheese racing videos. Want to see a group of American bikers cheese racing? Of course you do. Ah ben ça apprécie quelque chose à aller voir. Je pense, j'ai l'impression, j'ai pas envie d'ouvrir ça. Mais justement, pendant que vous écoutez l'émission, vous êtes sur l'internet. Fait que vous pouvez peser sur pause. Ah, en passant, j'aimerais saluer quelqu'un pendant qu'on est à l'émission. J'aimerais ça saluer Bruno qui est en train d'écouter l'émission en différé chez lui en ce moment. Salut Bruno, c'est super le fun que t'écoutes ton émission après puis que tu checkes les meilleurs bouts. Moi, je trouve que t'es le meilleur de l'émission. Ah ben c'est cute. C'est vrai que à défense de Bruno, c'est quelqu'un d'important à 70%. Hey, sinon, on m'a parlé de mon film. Moi, ouais, vas-y, qui est mon douteux préféré à moi. Et voilà, il l'a dit. Et puis, ben, c'est quand même quelque chose. Speed Demon, un film de 2003. Réalisé par David Decoteau, un homosexuel avoué. Je commence en parlant de son orientation parce que ça explique. J'insiste, ça explique, ça excuse pas la quantité amorale de mamelons masculins que nous allons subir ce soir. Speed Demon, traduit en français à la vitesse du démon. La vitesse du diable. Du démon. Ah ouais? Peut-être du diable. Ouais. Ben, sur le case du DVD, ouais. Ah ben ça se peut qu'il y ait plusieurs titres. T'es dans le club vidéo, je te le laisse là, moi, sur, à la vitesse du diable. Est le 55e film de David Decoteau. Ça, c'est 5 fois 11. Réalisateur né à Winnipeg, domicilié à Montréal et LA. Il faut dire que Decoteau, pour des raisons que je laisse à votre imagination, s'est fait des contacts importants dans le domaine du cinéma, à ce point que dès l'âge de 18 ans, Roger Corman, le très grand Roger Corman, l'engageait comme assistant producteur. Là, je vais partir la trame sonore parce qu'au début, il est assez long de tape pour que je puisse passer au travail des pseudos de David Decoteau. Depuis, David Decoteau, aussi connu comme Julian Breen, Ellen Cabot, Richard Chazen, David Decoteau, Disco Dave Decoteau, Dave Decoteau, David Decoteau, David Doe, Eric Mancini, David McCabe, Jack Reed, Victoria Sloan et Martin Tate. Oh, c'est vrai, j'oublie Joseph Tennant, ce gars-là. Parce que c'est la même personne, a réalisé des longs métrages comme Ancient Evil, Screams of the Mummy, Frankenstein Reborn, Bikini Goddesses, Dr. Alien, aussi connu sous le nom de I Was a Teenage Sex Maniac, Revenge of the Babes, ça c'est mon préféré là, tous un amour en commun. Sorority Babes in the Slime Ball Ballorama. Et puis bien des films de femmes en cage. Là. Et puis bien sûr, l'excellent, je vais remettre ça un petit peu avant parce qu'il a recommencé à parler, Jesse, là, on n'a rien à faire. Et puis bien sûr, l'excellent Beach Babes from Beyond. Une énumération pour le moins douteuse qui précède un long extrait. Un extrait qui est bien sûr long du fait que qui de mieux que Jesse, le héros, pour nous introduire à son univers. Là où j'ai grandi. Le garage. C'est le garage. Ouais, j'aimerais ça que tu mettes la pause. Parce que tu dis là où j'ai grandi, il y a deux choses qui nous importaient. Voilà. C'était les totons de gars et les bagnoles. Dans quoi où j'ai grandi, on avait tous un amour en commun. Les bagnoles. C'est clair. Là, je tiens à mentionner qu'il est en bédaine. Oui, effectivement. Il y a eu trois personnages depuis le début du film et les trois sont en bédaine. Pis c'est tous des gars. Après, il y a deux chaînes où c'est des gars par bédaine. On aurait bien rigolé si vous vous étiez planté. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? T'as pas à marcher au milieu de la route, d'abord? Le surdoué qui rentre de l'université. Alors, ça y est, t'as un grand maintenant, hein, Jesse? C'est pas le cas de tout le monde. Lui, c'est l'affranchi. On l'appelle comme ça parce qu'il a fait de la tôle et depuis, il se sent plus. De toute façon, personne ne se souvient de son vrai nom. À cause de toi, j'ai loupé mon repère. Otto. Avec un nom pareil, son avenir était tout tracé. Il a toujours été le plus rapide, le plus riche et le plus brutal. Même à 3 ans. Au revoir. Je suis sérieux. J'ai installé un nouvel injecteur. T'as de la chance, il n'est pas encore au point. Mais la prochaine fois, il faudra que je te décolle de mon capot. Tu conduis toujours comme un dingue à ce que je vois. Écoute-moi bien, toi. Joue pas au dur avec moi. Et t'as pas intérêt à glander sur la chaussée la prochaine fois que j'arriverai lancé. Parce que je t'éviterai pas. Dans le C, qui dit. Ouais. Dans t'as pas changé. Mais il est trop pressé, peut-être. C'est ce que tu crois. Ah, peut-être. Tu sais, la traduction. Mikey organise un barbecue pour toi au garage. Tout le monde est invité, alors j'y serai. En attendant, souviens-toi, ne te mets plus jamais sur ma route. Ça fait comme 4 fois qu'il dit. Reste sur le trottoir, du con. Ouais, reste sur le trottoir, mais. Non. Donc déjà, on comprend qu'il y a de l'interaction, de l'animosité ouais. entre les personnes que Jesse vient retrouver à son garage. Je pensais avoir coupé le cordon, comme on dit. Je me trompais. Je pensais que j'avais plus rien à faire ici, mais la mort de mon père a changé la donne. La donne? La mort de qui? De son père. La quoi de son père? La mort de son père. Bravo. Mais c'est pas ça qui fait que ça devient personnel. Le garage Homestead. Ben, ça l'est déjà. C'est quand même bon de retrouver son chez-soi. Ah non, il y a pire. Wow. Qui s'en vient? La famille possède ce modeste atelier de mécanique depuis des générations. J'y ai passé toute mon enfance. Ah oui. Tellement de souvenirs qui remontent à la surface. En bédaine, quand mon oncle nous taponnait. Hey, c'est quand que Dawson va embrasser Joey, vous pensez? Mais c'est sûr que ça vient pas de ce film-là, parce que dans ce film-là, le monde s'appelle 4x4, Ranch, Chopper. Comme la sauce. La franchie aussi. La franchie. Bar à clous. Ouais. Alors, ça avance. Tu vas dire au mieux, c'est ça? J'ai pas besoin de lui pour régler mes comptes avec toi. Arrête, ça tue. Ça tue. Et voilà, on rencontre la bande. Lui, c'est Mikey, mon petit frère. Contrairement à moi qui ai tout fait pour quitter ce milieu, son seul but, c'est de devenir pilote. Et puis, il y a les autres membres de la bande de Otto. GT, 4x4, Chopper et Coupé. Des surnoms pareils, on n'a pas eu. Coupé, ouais. Soit disant que c'est en l'honneur des belles mécaniques. Ils ont toutes des bédaines. Ils sont à fond dedans. Mais il y en a un qui a une chemise, mais détaché. Ça m'énerve. Ce sont les roadsters le plus frappé d'entre eux. Puis ils ont tous des noms de types de chars. Pas de marques. Non. Je vais vous dire, je parie qu'il préfère les caisses aux gonzesses. On peut pas lui en vouloir. Regarde ça, Chopper, t'en veux? Ça dépend où t'as l'intention de me la mettre, mon grand. Tout compte fait, j'ai plus envie. Et voilà, c'est probablement la seule remarque hétérosexuelle de tout le film. Et puis, ben, le gars l'a shut down carrément. C'est ça, le gars, il a comme alors, pas été capable. Pas mal, et toi? Bien, bien, ça fait un bail, je suis content de te voir. Moi aussi. Hé, j'ai pas eu le temps d'organiser de fête, mais toute la bande est réunie. En parlant de bande, rappelle-moi d'en changer. Hé, on t'a entendu. C'est fou ce que tu t'es musclé depuis la dernière fois. Hé, dis-moi, Chopper, je peux savoir pourquoi y'a que toi qui es en t-shirt ici? Je sais pas si t'avais du succès là-bas. Mais si man! Change d'approche. Oh. Y'a vraiment quelqu'un qui a fait une remarque sur le fait qu'il y avait un des gars qui était habillé pour rien. En fait, c'est la fille. C'est la fille. C'est Chopper. Oh. Ah, ok. Ouais, j'ai appris à lire, à écrire, je sais même conjuguer tous les verbes. Et à quoi ça te sert? Tout ce que j'ai besoin de lire, c'est le compteur de vitesse. Il a tout compris. Nice, hein. Je suis désolé d'avoir manqué l'enterrement de papa, tu sais. Mais c'est ça qui est weird. C'est rien, et puis, il aurait pas voulu que tu le vois comme ça. Enfin. Ah, ouais, je m'en calisse, là. C'est assez débile. Ouais, j'ai aidé à la retaper. Il n'y a aucune autre personne dans le film que les personnages qu'on vient de nous présenter. C'est l'entièreté de ce qui réfléchit dans cet univers-là. Désolé, il fallait que je pense à mon avenir. C'est tout un univers, en plus. Il y a même un pit de sable. On était au garage quand on était gamin. Tous les autres étaient dingues de bagnole. Et moi, c'était Nathalie dont j'étais dingue. Mais voilà. Ma parole, je te reconnais pas. C'est qui Nathalie, vous pensez? C'est la fille qui va se pogner. C'est vrai, la dernière fois que c'est que la blonde de Otto, le boss des méchants? Peut-être. Ah ouais? Hein. Tu sais que toi, t'es pas mal non plus. Ravie de te remarquer. Il faudrait qu'on se fasse une sortie ensemble. Ouais. Comme tous ceux qui sont là, Nathalie a toujours été fascinée par Otto. Pour elle, c'était un mauvais garçon avec une grosse voiture. Remarquez le métal en arrière. Une chose de plus qu'il avait réussi à me piquer. Tiens, là, la franchie. Et salut, mec, ça roule. Tout le monde est très bien épilé. Jesse te gonfle avec ses histoires de fac. S'il m'embête? Oh non, en fait, je lui faisais justement remarquer à quel point il était devenu craquant depuis son départ. Marqué pour lui. Je pourrais te prendre au mot, attention. C'est bon, elle disait ça pour rire, Otto. Toi, d'abord, t'aurais dû rester à la fac. T'as eu raison de partir d'ici. T'es pas des nôtres. Et toi, t'es pas aussi brillant que tu le penses. Ah ouais? Fais-toi prêter une caisse. N'importe laquelle, je te prends quand tu veux. J'ai pas envie de faire la course. C'est drôle, je m'en serais douté. Otto, laisse tomber. Arrête, tu t'énerves pour rien. Hé, hey, moi je veux la faire, la course. Mikey, te mêle pas de ça. Mikey, wow. Le petit frère. Si le petit veut courir, laisse le faire. Ah. Mikey, le petit frère veut faire la course. Hey, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si Mikey, le petit frère du héros, qui est l'ennemi du gars quand il veut faire la course, va faire la course? Hey, je sais pas, hein. Penses-tu qu'il va gagner, le petit frère? Je sais pas. Penses-tu qu'il va gagner, toi? Hein? Peut-être, hein, ça se pourrait, vu que c'est un gentil. Peut-être que le petit frère va gagner. Ben oui, peut-être. Ça serait cool pour peut-être qu'il mourra pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, on est saucé bien, bien, bien profondément. On vient d'écouter les 7 premières minutes pile du film. J'ai rien coupé, on n'a rien enlevé. Vous l'avez eu pur dans la bouche. Les voix off tirées de la tête du héros pour nous rappeler la position de chacune des personnes qui connaît des noms de famille qui ont pas rapport, l'entièreté de l'univers. Là, ils s'en vont faire une course pour des raisons mystérieuses parce que c'est de la seule façon que ces êtres humains-là sont capables de régler leurs problèmes. Et de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Oui, oui, c'est ça. Mon carburateur est beaucoup plus gros que le tien. Ouais, ouais, mais c'est comme ça qu'ils s'épanouissent, tu sais. Ben moi, je juge, man. C'est au travers de ta on personne. Est ici pour juger. C'est au travers de ta personne que tu vas t'épanouir. C'est pas au travers de la grosseur de ton carburateur. Puis c'est pas parce que ton char il va vite que quand tu dis des enneries, tu dis moins des enneries. Ah non non, c'est pas le point que j'essayais d'apporter. Je veux dire, si je m'éclate en jouant à la balle, puis c'est comme ça que je m'épanouis, c'est une autre affaire que de dire que mon bat est plus gros que le tien. Ah ben là ça, je parce qu'en plus c'est même pas vrai. Ouais, quelle pureté. Fait que là on va se lancer ici, je pense qu'on va aller écouter ça va être quoi là avant de revenir avec des nouvelles là, puis Israël là, ça va être réalvé Benoît le festival des mineurs. Ah bravo, excellent choix. Excellent choix. Qui est venu à l'émission mais pas vraiment à l'émission, mais il est comme venu puis on vous a présenté ça, c'était excellent. Réécoutez les 45 000 émissions qu'on a faites dernièrement, vous allez trouver le spot. Bon, ben, on écoute ça ici, Réal V. Benoît, le Festival des mineurs, un Rouyn-Noranda hautement sympathique. On vous revient à 70%. On est deux, on est quatre, on est six, on est huit, on embarque, on embarque et puis c'est parti. On est deux, on est dix, on est cent, on est mille, et qui chante, et qui danse, et qui saute ou rit. On est beau, on est laid, on est gros, on est sec, on est fou, on est fin en autant qu'on mine. On s'y met, on s'y rend, ses amis, ses parents, ils concourent, s'y amusent et n'oublient jamais. Le festival est mineur de notre coin. Le festival des mineurs qui sont loin. Le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui salissent les mains, tout en gagnant le pain. On fait 8, on fait 10, on fait 12, on fait 16, des fois 20 par jour sans jamais rien dire. On en vit, on en meurt, on en rit, on en pleure, on en sac seulement une fois de temps en temps. Qu'on soit fort, qu'on soit faible, qu'on soit mieux, qu'on soit pire, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit boss ou moins. On s'y met, on s'y rend, ses amis, ses parents, ils concourent, s'y amusent et n'oublient jamais. Le festival des mineurs de notre coin. Le festival des mineurs qui sont loin. Le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui salissent les mains, tout en gagnant le pain. On est deux, on est quatre, on est six, on est huit, on en parle, on embarque et puis c'est parti. On est deux, on est dix, on est cent, on est mille, et qui chante, et qui danse, et qui saute ou rit. On est beau, on est laid, on est gros, on est sec, on est fou, on est fin en autant qu'on mine. On s'y met, on s'y rend, ses amis, ses parents, ils concourent, s'y amusent et n'oublient jamais. festival des mineurs de notre coin. Le festival des mineurs qui sont loin. Le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui salissent les mains tout en gagnant le pain. Le festival des mineurs de notre coin. Le festival des mineurs qui sont loin. Le festival de ceux qui se cassent les reins, ceux qui salissent les mains tout en gagnant le pain. Aventure de Monsieur McDonald au pays des merveilles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, fuck. Aventure de Monsieur McDonald au pays des merveilles. Malade. Alors, c'était Ludwig von 88, ça? Ben oui. Yeah. Ben oui. Ben oui. Alors, on va continuer en nouvelles. Alors, on va parler de fourmis. Au Texas, une nouvelle espèce de fourmi fait des ravages en mangeant tout ce qui est électronique. Ordinateur, téléphone, système d'alarme, iPod, tout est de la nourriture potentielle tant que ça se branche et les scientifiques sont confondus. L'invasion qui est de plus en plus étendue, les poisons inefficaces et le fait que la colonie ait plusieurs reines empêchent une extermination et à mon humble avis, il ne nous reste qu'à prier. Nice. J'aimerais par la même occasion accueillir nos nouveaux seigneurs insectes et leur souhaiter autant de succès que nous en avons eu avec cette magnifique planète. Ah, mais c'est parce que tout le monde sait que les fourmis croondent. Bon! Oh! T'as pas une dessus, Tommy? Oui, oui, mais en tout cas. Hey, c'est bon, ça. On play Jelly Jeans to the Queens. To the Queen. Bienvenue au Seigneur Insté. C'est bon, ça. Israël, l'aventure de cette semaine. L'aventure de cette semaine, j'ai vu mon premier spectacle hip-hop. Étant un jeune punk rocker, je me tiens souvent dans les bars et les clubs pour aller voir les spectacles de mes groupes favoris. Mais étant un employé également d'un club soda, non, je ne travaille pas seulement dans un club vidéo, je travaille aussi au club soda. J'ai vu hier un artiste dont on taira le nom parce que je m'en rappelle plus, mais c'était un gros show hip-hop. C'est pas un petit, là, un gros. Là, il y avait genre 500-600 personnes qui venaient voir le black en question. OK. Et je te dirais qu'à 80%, c'était de la minorité ethnique. Je me suis senti dans un tout autre univers. Hein, ce monde-là, ils sont grands. Ils font deux têtes de plus que moi, qui est quand même relativement d'une taille normale. Donc, j'arrive là, je prépare mes affaires, un soundcheck interminable avec un gars qui veut que sa voix soit parfaite. Mais dans le fond, t'as deux choses à checker, là. Tu sais, je veux dire, t'as le DJ en arrière, puis t'as la voix du gars. Puis c'est pas supposé prendre 3 heures, parce que nous autres, avec 4 instruments, on est capable de faire ça en 15 minutes. Fait que ça, mettons qu'il a fait sa précieuse, là. C'est ça. Ah, vraiment, là, okay. Là, il savait plus s'il fallait qu'il prenne le sans fil ou celui avec fil pour avoir un son optimal. Mais moi, je l'entendais même plus, là, tu sais, la différence. Puis tout ce qu'il faisait pour tester le son de son micro, c'était check, check. Oh, oh, oh. Check, check. Puis on sait pas si les hauts étaient préjoratifs. Ah, Père Noël style. Ouais. Père Noël style. Donc, le spectacle commence avec des gens dans la vingtaine en furie qui ont tout filmé avec leur caméra numérique, soit avec leur photo, tu sais, parce que ça, les Kodak, tu peux filmer un peu. Fait que là, je voyais des millions de lueurs de petits carrés de qui filmaient ce qu'il y avait sur la scène, là. Genre, vraiment, là, il y en avait au moins, là, 60, là. Fait que c'était mettons, soit des cellulaires, soit des caméras, là. Club Soda dans YouTube, là, dans les derniers tapes qui viennent d'être ajoutés, il y a peut-être ça, 47 fois la même affaire, à peu près du même angle, fait de la même façon, là. C'était quelque chose comme, c'était Kerry James qui s'appelait, fait qu'on, ouais, c'est sûr. Okay. Ouais, j'imagine. Puis c'était impressionnant parce que le show arrêtait jamais. Les premières parties jouaient juste 2-3 tunes. Ça m'a impressionné. J'en parle pour en parler parce que c'était la première fois. Là, je suis vraiment troublé de ce que j'ai vu. J'ai vu des jeunes Québécois chanter les malheurs d'un ghetto qu'ils n'ont jamais connu. Ça m'a vraiment pas touché. Tu sais, il était dedans quand ils chantaient. Ils chantaient avec tout leur cœur. Puis je comprenais pas, Tommy. Tu comprenais pas qu'il y ait tellement de rage à propos de la machine qui n'existait pas, ben je comprends. Tu sais, le monsieur, le black en question chantait des shit comme se promener avec des guns puis avoir la chienne de se faire tuer parce que tu deals de la coke. puis le jeune c'est qui vient de Laval, tu sais, il chantait ça avec tout ce qu'il a pas eu. Ma mère voulait réduire mon argent de poche, mais là, je lui ai dit, toi, môme, tes poches. Non, c'est pas tant que ça. Il était quand même pas pire, le rappeur. Il disait plus, décrochez pas de l'école parce que vous allez tomber dans la rue plus que aller dans la rue pour dealer de la coke. Ouais. Hey, parlant de ça, j'ai entendu la semaine passée, je sais pas si c'est fondé, mais le roi Enoch se serait fait arrêter. Oui. Ah ouais? Oui, j'ai entendu parler de ça. Ok, ça va être fondé si t'en as entendu parler. À cause qu'il était là sur YouTube, puis il montrait ses guns puis sa coke sur la vidéo puis en disant. Ils ont utilisé ça comme preuve en cours. C'est ça que j'ai entendu parler. Peut-être là, la police est débarquée, ils ont saisi les guns puis ils l'ont mis en taule. Ouais. Ah ouais? Hey, moi, j'ai mis l'application Citation de Roi Enoch sur mon Facebook, en tout cas. Ah, c'est fun, il y en a plein. Tout sur le roi Enoch, il est de plus en plus populaire. Hein. Je pense qu'à un moment donné, je vais mettre mon entrevue avec un petit mix de montage de son Great Assets apéritif. Au jadis, au visionnement. Tu l'as déjà fait mettre l'entrevue en appetizer ou visionnement. Puis les gens sont vraiment coopérés. Tu l'as mis en intégralité, là, puis disons qu'à un moment donné, là, aux deux tiers, on commençait à être tanné. Il faudrait faire un montage des meilleurs bouts, je pense. Ah, je sais pas c'est quoi les meilleurs bouts de l'entrevue que j'ai faite avec le roi Enoch. C'est sûr que l'idée, c'est qu'il faudrait tout la regarder encore une autre fois. Je la mets en deux bouts, là. Ouais. Ça va dépendre. On fera ça un jour. Pour l'instant, c'est quoi qu'on va faire? On va aller écouter un petit bout de la toune, la petite maison dans la prairie, là, le thème, là, ça va nous faire une transition vers Un monde meilleur. Un monde meilleur. J'aimerais le garage de Speed Demon. J'aimerais juste vous confirmer qu'on est rentré dans la deuxième moitié de l'émission et notre invité ne s'est toujours pas pointé. Ouais, moi, je pense qu'on peut commencer à chialer contre lui. Dans le fond, non, je vais laisser tomber la petite pause musicale parce que c'est vrai, on a passé parce qu'on la a deuxième du moitié. Puis surtout, ben là, il me reste encore deux bouts de texte puis deux bouts d'extrait tirés de l'excellent Speed Demon de David Descoteaux, alias Hélène Cabot. c'est pas spécial de prendre des noms de filles comme pseudo. Tu sais, ben, c'est un gay, fait que je sais pas, il y a peut-être pas la même écologie. Donc, on comprend avec les premiers extraits qu'on vient d'écouter qu'on vient de se saucer solide dans un autre film qui commence personnel. Le père, comme on l'a appris, est décédé avant le début du film, puis on s'en doute, il est arrivé quelque chose de louche. Jesse, qui a hérité du garage de la bande, c'est ça qui motive son retour dans le coin. Je vais reparler du garage bientôt. Pour l'instant, Jesse, lui, il voulait pas revenir au début vers son ancien monde. Jesse, lui, il est revenu parce qu'il y a un mystère qui plane au-dessus de la mort de son père. En somme, c'est un retour motivé par des raisons... Personnel, merci messieurs. Excuse-moi. Ah non, c'est correct, c'est parce que c'était tellement pré-mâché que des fois, manger un pot de bébé, ça tente pas. Là. En somme, c'est un retour motivé pour des raisons personnelles, voilà. De toute façon, l'univers entier du film contient 11 personnages, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt. On comprend le raisonnement de Jesse, qui, étant le seul avec un secondaire 5, présume que l'enquête ira rapidement. C'est logique. La 12e minute, surprise, pour faire sûr que tout le monde a bien compris à quel point c'est personnel, il décide de tuer le frère du héros. La course venait de commencer. Ouais. Juste à la fin de la course, que va-t-il arriver? Le char va exploser. Faire pépin mériser. En fait, le frère du héros existe de la 6e à la 12e minute. Soit juste assez longtemps pour que son décès par pépin-mérisation, loin d'être accidentel, crée un vide considérable dans notre vie émotionnelle. Moi, t'as me rappelé le départ de Mikey, qui avait l'air tellement sympathique. Il était en bédaine. Heureusement, pour notre DG de justice sera accordé. Un des 11 personnages s'avère être un vengeur. Masqué, caché. Ici, là, permettez-moi d'y aller en profondeur. Des 11 noms au générique, un est le père, décédé avant le début, qui ne réapparaît qu'en court flashback, de dos, sans jamais prononcer une phrase audible. Des 11 personnages, c'est le petit frère, qui prononce à peu près 9 mots en 6 minutes, et puis qui décède après. Un autre des personnages est figurant, de dos et hors focus au restaurant. 11 moins 3 donne 8. On est à la 15e minute et réduit à 8 personnages. Mais lequel est le meurtrier vengeur masqué? C'est Otto. Hey! La question ne cessera de nous hanter. À tort, car le film est fait de telle façon que Descoteaux peut choisir à n'importe quel moment de changer l'identité du vengeur. Et quand je dis de telle façon, je veux dire qu'on ne reçoit tellement aucun indice valable sur l'identité du meurtrier masqué que ça peut réellement être qui il veut. Incluant un autre personnage gardé surprise, un caméo poche, un saut de vide contrôlé par le médaillon Jesse, Otto lui-même, comme tu disais, le père qui est pas réellement décédé, le frère qui est sorti du char avant l'explosion, ou ça peut être aussi bien un jambon de 75 kilos. Fait que ici, ce qui est important, c'est les médaillons, les speed demons, parce que les speed demons, c'est des médaillons qui donnent une force extraordinaire. À ton char. Oui, mais qui de mieux que des personnes qui connaissent ça? Pour... Ouais, à ton char. À ton char? C'est comme un double dragon pour ton char. Ça fait que tu vas vite. C'est à peu près ça. Je pèse play. On va écouter ici Otto qui va aller courser contre Mikey, mais qui va utiliser son master démon. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Un speed démon. Et voilà. Ou démon de la vitesse, si tu préfères. C'est des talismans. Soi-disant qu'il y en a que 7 ou 8 dans le monde. Si tu les invoques, tu vas plus vite. Et t'as des pouvoirs surnaturels. Wow. Pour moi, c'est que de la superstition, mais il paraît que James Dean en avait un. Et vous savez quoi? C'est bientôt la nouvelle puis démon. Puis c'est tué. Les démons prennent forme humaine. Puis c'est plus de la et superstition, James Dean en avait un. Ouh, j'ai peur. En tout cas, Otto prend ça très au sérieux. D'après lui, ces démons sont les descendants des membres d'une ancienne tribu sumérienne qui croyait qu'il était possible de contrôler la vitesse, les éléments et les animaux. Apparemment, il y croit dur comme fer. Est-ce qu'elle a parlé d'une tribu sommurienne? Sommurienne, ouais. Les yeux de la tête. Une vieille civilisation. Ça m'a rappelé ces histoires que mon père nous racontait quand on était gosse. Comme quoi il existait des démons et des amulettes qui possédaient des pouvoirs magiques. La compétition était si acharnée entre les pilotes qu'ils étaient prêts à tout expérimenter pour gagner. Même si ce n'était que de la superstition. Il est encore plus taré que ce que je croyais. C'est bien mieux que les stéroïdes, man! Ben oui, c'est sûr. T'as juste besoin de te mettre en boxeur, de te flatter avec tes amis et puis de faire des prières à un dieu sumérien. C'est ça, mais t'as dit qu'il restait 8. 8, non, mais il me semble qu'ils sont 8 quand ils se frottent. Ben, un petit peu moins. Là, gars, justement, c'est le prochain extrait. J'essaie de retrouver le temps ici. On est à 25:04 minutes. Au tout début, bien sûr, la puissance du médaillon doit être carburée. Et pour ce faire, on se ramasse en bédaine, en avant d'un moteur V8, en boxeur, en se flattant, en se mettant du sirop de maïs dessus. J'obéis à mes califs. Fais ça. Conduis pour lui. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagnerai pour lui. Règne sur la route. 106. Je règnerai sur la route. Tabarnak. Puis c'est vraiment sexuel, laissez-moi vous dire. Il y a pas de son en ce moment, là. Il y a pas de parole. Mais là, il y a vraiment là, 6 gars qui se frottent. Oui. Puis ils se frottent vraiment, puis sont en boxeur. Je suis le grand prêtre de Mikhaïlov. Il est le grand prêtre. Octroie-moi ton pouvoir. Ton pouvoir. Que je puisse voir aussi clairement que toi. Que je puisse brûler les autres avec ton feu. Que je puisse être aussi vif que toi et courir plus vite que le aussi, temps. Aussi vif que toi, il a dit? Aussi vif. Ah, excuse-moi. Roadster, te voilà purifié et serviteur de Mikhaïlov. On remarque le métal en arrière encore. Ouais. Lors de la nouvelle lune, tu seras un fantassin dans son armée. Et dans un la fantasme? Mienne. Et dans la mienne, et voilà. Donc, il y a Roadster qui vient de passer au travers du rituel pour devenir un vendu Mikhaïlov. Mikhaïlov qui est le nom du démon saumuréen, là, qui paraît qu'il est invoqué, je dirais. Là. C'est quoi si c'est pas ça? Je ne sais pas. Il me reste encore ici un autre petit bout parce que vous avez peut-être remarqué au début, il a dit il y a plusieurs de médaillons. Ouais, il y en a genre 8. C'est qui ça. Ont dit. Fait que peut-être que le père qui est mort avant en avait un. Peut-être. Il y en a 8 dans le monde. À peu près. On a du boulot. Puis il y a 8 personnages dans ah le film. Ah ouais, genre quoi? T'as bien fait d'ouvrir, j'avais besoin d'un volontaire. Génial. Je veux que t'ailles au garage Homestead et que tu cherches le Gilderoat. Le quoi? Le Goldalak? Le médaillon, le même que le mien, mais avec des rubis. Encore? Mais Otto, ça va bientôt faire un an qu'on cherche ce foutu médaillon. Justement, le temps presse. C'est bientôt la nouvelle lune et j'ai besoin de ce talisman. Mais si tu veux pas ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il y a... Tu prends ta bagnole et tu te tires. Bon, ça va. Talisman comme ça dans le monde, Puis là, eux autres, ces gars-là qui ont pas leur secondaire 5 puis qui vivent dans un garage dans le fin fond d'un état qu'on sait pas c'est lequel, ils sont en train de walk the earth pour essayer de trouver tous ces médaillons-là. C'est, ouais, ils font le tour de leur univers, c'est-à-dire du garage. Puis ils réussissent. Ils en trouvent deux au moins dans le film. T'as le garage. Oui. Il y en a 8 dans le monde, il y en a 2 dans le garage. Dans le garage. À l'instant où Jesse mettra les pieds dehors, je veux qu'il entre chercher le démon. Otto, tu crois vraiment qu'on le trouvera avant la nouvelle lune? Je pense que Jesse l'a déjà trouvé. Une relation ici amoureuse. Dis donc, c'est pas trop tôt où t'étais passé? Oui. Moi aussi, je suis contente de te voir. C'est quoi ces fringues? On va à Stockton. Tu sais le circuit, je veux que tu le changes. Je suis très bien comme ça. Depuis le jour où Homestead est revenu, t'as une sale attitude. Me donne pas une raison de plus pour l'éclater. La liste est déjà bien trop longue. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si vous vous entendez pas? Je veux que tu mettes un truc sexy. J'ai pas envie de venir. Trouve-toi quelqu'un d'autre. T'as pas intérêt à me quitter. Et voilà, devinez bien sûr pourquoi est-ce que la fille est partie. Pour aller rejoindre l'autre gars, là. Pour aller rejoindre Jesse, le héros, dans une relation qu'on avait vu venir. Et puis, ben là, on va retourner dans un autre rituel, parce qu'après Roadster qui s'est fait tuer, oui, Israël. J'aimerais ça chanter une courte chanson qui parle du film en question. Ça s'appelle Le Garage. Le garage. Est-ce que tu laisses... Ben, vas-y, man. OK, ça te dit... Vas-y, on va laisser le rituel après. Oui, c'est ça. Fait que tout ce qu'on veut, c'est avoir du fun, même si on touche en 15 personnes, et même que les meilleurs moments, c'est dans le garage. Nanana. Depuis des années, on va jamais se tanner avec nos amis. À toutes les fois qu'on va se toucher, on va aimer ça toute la nuit. Merci les Saumuriens pour les talismans remis. Et voilà, on va retourner sans payer de tranche. Et cette fois-ci, c'est qui? C'est GT. Ouais, Nathalie, ça fait deux fois qu'elle disparaît juste avant le rituel de purification. Je suis pas toujours derrière elle. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, je veux que tu la suives, pigé. T'as qu'à demander à Jesse, je parie que lui, il sait où elle est. Nous sommes entourés par l'ennemi. Un ennemi très puissant puisqu'il a déjà tué Coupé et la Franchie ainsi que Roadster. L'heure de la riposte a sonné. Nous devons détruire cet ennemi. Apporte tes instruments. Encore 2 jours à attendre. C'est au tour de JT d'être purifié avant la nouvelle lune. Et voilà. Qui, ici, ne croit pas au pouvoir de Mikhaïlov? Moi, je crois en Mikhaïlov. Je mourrai pour Mikhaïlov. Mikhaïlov est un speed demon. Je lui demande, en présence de mes frères, d'accueillir parmi les siens un nouveau guerrier. Approche, JT, serviteur de Mikhaïlov. Tu es son lieutenant et mon ami à jamais. J'implore la grâce de Mikhaïlov. De toute beauté, ici, avant le rituel, le gars GT enlève ses culottes. Il n'y a personne qui dit rien. Ils sont pas en train de rien se dire. Il s'en va dans le milieu du garage, à côté du moteur V8 qui est accroché après des chaînes. Et dans un montage, il enlève ses culottes sans que personne ait besoin de lui dire. Et puis là, après ça, ben, il se fait badigeonner de 100 héros de maïs. Aïe. On va aller écouter... Il se flatte le torse là, avec le sang. On dirait qu'il s'huile, mais de sang. Genre. La honte, man. La honte. On va écouter I'm Bored. C'est bon, ça. Ouais. Je me souviens, quand on a écouté, je m'excuse, Speed Demon chez vous, là. Ouais. Puis que ces scènes-là passaient, là. Je me souviens des exclamations des gens. Tu sais, tout le monde faisait comme... Ah! Puis là, fait qu'à soir au brouhaha, on va entendre des gros... général. Ça va brasser, je pense. I'm Bored de Iggy Pop, ou bien donc David Rose qui fait le thème de La Petite Maison dans la Prairie. Iggy Pop. Ouais. Ok. C'est même moi qui le dis. Living like a dog. I'm bored. all my kicks. I'm sick of all the stiffs. I'm sick of all the dips. I'm bored. I bore myself to sleep at night. I bore myself in broad daylight, 'cause I'm bored. Still sick in the broad daylight, 'cause I'm bored. I'm bored. I'm the chairman of a board. Ben bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Alors, on continue en nouvelle après ce magnifique indicatif de Simon Chénier. Alors, à Muskogee, en Oklahoma, ville de 38 000 habitants, John Hammond a été élu maire. Hammond, qui fera son sermon cette semaine, est un étudiant de première année à l'Université d'Oklahoma, âgé de 19 ans. Il affirme qu'il continuera ses études, même s'il est maire, en construisant une bonne table de temps. Aïe, aïe, hein, ouais. Il y a 19 ans, il a 19 ans, le gars, il a été élu maire. Puis ils sont comment de monde? Ils sont 38 000. C'est pas comme... Ouais, c'est pas un trip de famille, là. C'est... Il pensait que c'était lui le mieux placé pour faire la chose. Pis... Ouais, il y avait plus de chums. Ouais. C'est lui qui a fait le meilleur spring break. Ouais, c'est ça, Dredd. Fait que tout le monde a voté pour lui. Il peut pas s'acheter de bière, mais il peut faire des arrêtés municipaux. Même. Exactement. Ah, puis j'ai une petite annonce aussi. Ben, vas-y. La vie est plate. Vous avez envie d'acheter quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Allez au Something Store. Il s'agit d'un magasin internet auquel vous envoyez 10$ et en échange, il vous envoie quelque chose. Mais, oh, tab. Ça pourrait être quelque chose dont vous avez besoin. Peut-être même quelque chose que vous désirez secrètement. Moi, j'aime ça m'acheter des affaires, en tout cas. Je trouve ouais, ça bon. Something Store. Le Something Store. Ah, ben, hey, est-ce qu'il y a des exemples de ce qu'il envoie ou même pas? Il envoie des montres, des couteaux, des jeux vidéo, des livres. Something. Plus souvent qu'autrement, neuf. Des fois, refurbished. Ah, refurbished. Something, toi. Il y avait tellement de crap dans son salon qu'il s'est dit, m'a inventé de quoi pour l'écouler. Sinon, ben, sur internet, il y a le douteux.org aussi qui est quelque chose à visiter. Le site est lancé. Vous pouvez voter pour le douteux de la semaine. C'est pour ça que cette semaine, on a Speed Demon parce que les gens ont voté pour ça. Ils n'ont pas voté pour. Je m'étais promis de m'en rappeler. Le nom original, c'était Somu Fukan. Et puis. Saumur fécal. Ah, peut-être, hein, ça serait. Ah, peut-être. Puis en français, ouais, ça doit devenir une déformation de ça. Mais en tout cas, vous voyez le genre, le titre original en japonais. En français, c'était Mission accomplie. Puis en anglais, c'était Revenge of the Kickfighter. Ah oui, oui. C'est ça, c'est comme. Ouais, moi, j'avais voté pour celui-là, moi, personnellement. Ça avait l'air bon. Parce que j'étais allé checker sur le site internet, puis le gars, il a réalisé Kickfighter et Revenge of the Kickfighter la même année. Ah, ça a les deux la même année. Ah boy, ça doit sentir la qualité, ça, mon gars. Hein? Répondre à la demande le plus vite possible. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Ben sinon, ben, on va se ressourcer pour l'instant dans le douteux de la semaine, qui est bien sûr Speed Demon à la vitesse du diable. Donc, on a compris, un personnage mystérieux habillé d'une combinaison de course et d'un full face s'occupe de faire le ménage des forces du mal qui habitent le garage. Le garage. Comme la chasseur. Oui. J'ai promis d'en reparler. Le garage, c'est l'endroit, au singulier, où se déroule l'action au singulier du film. Tout le film, hormis le petit dialogue en très gros plan au restaurant, se déroule dans le garage et où le stationnement du garage à côté duquel il y a un pit de sable. plusieurs trucs sont utilisés pour allonger de quelques minutes un scénario aussi pauvre. Vous allez voir ce soir au Brouhaha 58-60 de Lorimier des jeunes hommes en bédaine pour rien marchant en formation de canards à l'envolée au ralenti avec une caméra qui leur tourne autour sur fond sonore de grunge facile, le tout dans un montage serré bien bien compact de plusieurs minutes. Un vidéoclip complet de gars en bédaine pour rien toujours qui se badigeonne de 100 héros de maïs en récitant des homélies brain dead. Vous allez voir aussi des gros plans disgracieux permettant de tourner des séquences de restaurant à même la cuisine du garage. Des meurtres, au minimum, je dirais, niais, et la naissance d'une idylle ou surprise préprogrammée entre le héros et la blonde du boss des méchants. Tenté jadis, Speed Demon n'avait pas fonctionné dans les ordinateurs de la console. On a depuis réglé la chose, ce qui nous permet de savourer la glorieuse création. Je suis content d'accompagner ce festival de rire garanti d'un excellent épisode de Chambre en ville en apéritif qu'on aura ce soir pour fermer l'émission tantôt. Et puis, ben, en intégrale, 21 minutes avec Louise Deschâtelet sur écran géant. Quoi demander? Il y a du Grégory Charles? Il y a Grégory Charles et il y a surtout Lola. Lola qui est infecte. En tout cas, ça, c'est un personnage. Là, mais aussi Patricia Paquin. Oui, ils sont tous là. On va tous les retrouver dans leur jeunesse et leur prime période. Avez-vous vu cette semaine ou la semaine passée, j'ai vu Patricia Paquin en bikini sur, sur un magazine. Savez-vous quoi? Ça m'a rien fait. Bon, faisant suite à ça, on va se ressaucer ici dans l'excellent Speed Demon. Après GT, Coupé et puis Roadster, là, ça va être au tour de 4x4 de s'abandonner à Mickey F. Ah, bien sûr, il va y avoir de l'ostinade dans le gars. Où t'étais? Et filles. On va purifier 4x4 et après, c'est à toi. Je veux pas assister au rituel. Tu peux pas rester avec nous, dans ce cas. Ça fait des années qu'on se connaît, Otto. On sort ensemble. Ça suffit pas pour Mikhaïlov. J'en ai rien à faire. C'est ton choix. Très bien. Si tu te refuses à Mikhaïlov, tu risques sa colère. Quelle sera la colère de Mikhaïlov? Va aller vite. Ouais. Je sais pas, je pensais que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Ça rend démoniaque. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu partes d'ici. La situation s'aggrave. Mais enfin, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que prépare Otto? Je peux pas, Jessie. Il vaut mieux pour toi que tu ne saches pas. Mais je peux t'aider. Non, emporte avec toi tout ce que tu peux et va-t'en. Fais-moi confiance. Ah, moi. Les démons sont réels. Calice. C'est tout ce que je peux te dire. Les démons sont réels, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, ben je vais abandonner mon garage et l'entièreté de mon univers. Et ma vengeance. Et ma vengeance pour venger mon père. La et mon frère. Aura lieu demain. Et voilà. 4-4 se met en bédaine pour se faire suprême. Purifier. C'est au tour de 4-4 d'être purifié. Ah. Qui parmi nous n'a pas conduit au nom de Mikhaïlov? Moi, j'ai toujours conduit pour lui. Je suis son serviteur. Eh oui, Tronche de Cake était le serviteur de Mikhaïlov tout ce temps-là, tu sais, on s'en doutait pas pantoute. Lui, 4-4, qui était tout le temps dans la bande à auto. Oh non, trahi! Hey, bon, ben, sinon, toi, Bruno, fais-moi ton autre nouvelle, parce que finalement, je pense qu'on va mettre le petit dernier bout du film pour clôturer l'émission, parce qu'on est déjà presque rendu. D'accord. Fait que, nouvelle, man. Alors, je vais vous parler de Gokhan Mutlu. OK. Gokhan Mutlu, c'est un gars de Manhattan qui poursuit la compagnie d'aviation JetBlue Airways parce que le pilote l'a forcé à s'asseoir sur la toilette de son avion pendant 3 heures. Ouais. Elle visait qu'une hôtesse de l'air avait pris le dernier siège. Mutlu, qui voyageait avec un billet de faveur qu'un de ses amis, employé de la ligne aérienne, lui avait donné, s'est ensuite fait dire que l'hôtesse prendrait le siège réservé aux employés et qu'il aurait donc accès au dernier siège. Restez avec moi, là. Mais 1h30 après le décollage, le pilote lui a demandé de redonner son siège à l'hôtesse de l'air et lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le siège réservé aux employés. Le pilote aurait aussi dit à Mutlu, alors qu'il était réticent à s'asseoir dans la toilette, que c'était son avion, qu'il était sous son commandement et qu'il devrait être heureux d'être à bord. 2 millions de dollars espérés. Aïe, aïe. Puis là, fait que finalement, il y avait un siège vide, là. Fait, non, il n'y avait pas de siège. Ben, il y avait un siège d'employé vide. Ouais, c'est ça. En tout cas, on suppose. Aïe, c'est brain dead, ça. Puis là, le gars, il était à sa toilette, puis là, il entend la fille dire dans le micro « Veuillez reprendre votre siège, nous entrons dans une zone de turbulence. » Ou peut-être que là, des fois, il y a du monde qui cognait. « Pouvez-vous sortir? Je vais y aller. » Non, fallait qu'il sorte. Que je t'ai dit. Aïe, aïe, aïe, sacré moutelou. Ah ben, c'était pas mal 70% pour asseoir. Hein, c'était une excellente émission, maintenant. Ouais, ouais, ouais, je n'étais pas en forme, mais le Dayquil m'a le Dayquil t'a remis sur le piton. Donc, sinon, bon, on s'en va sur 58-60 de Lorimier, lancer des affaires dans la création de David de Coteau. Allez voter au douteux.org pour le douteux de la semaine prochaine. On va avoir Simon Predge, le créateur d'ailleurs du premier set, là, l'ancien set. Il va venir nous parler de son album qui est lancé. Puis sinon, ben, merci à Frédéric Eterlink. Ben oui, hein? Qui a été très sympathique de se déplacer. On va essayer de le rappeler pour le futur. Je vous laisse pour avec le remercier. La... Ouais. Ouais. Pour pour essayer. De... Je vous laisse avec la bof. Ouais. Voulez-vous que je fasse son indicatif? Non, c'est correct. Bonjour, ici Frédéric, gars que je suis pas capable de prononcer mon nom de famille comme du monde. Puis j'étais à 70%. Puis en tout cas, moi, je me pointe pas quand on m'invite à des émissions parce que je suis plus important que ça. Non, non, mais il y a peut-être eu... Il y a peut-être eu un crime. Fait qu'on vous laisse avec les derniers bouts, là. À prochaine. Habillé tout en noir aussi. Bon, et sa caisse? J'y connais pas grand-chose, mais je crois que c'était une Mustang noire. Il avait pas un pendentif, un talisman, comme le mien? Alors là, j'en sais rien. L'écoute pas, elle ment. Je te le jure, j'en sais rien. Quand j'ai vu ça, je suis partie aussitôt. C'est la nouvelle lune aujourd'hui. On passe au... Hélas, hey, papa. Jessie est à mort. Et si tu veux... L'événement fait de la avec lui, c'est bon. Attends, tu sais que... Je vais avoir mal. Mais oui, je n'ai rien à faire, moi. Avant la chipitale. C'est quoi ça, Jessie? Mais là, ça va être mieux. Ah oui, il y a comment? Je vais le faire. Je préfère ça. Comment je dois m'y prendre? Eh bien, arrange-toi pour te retrouver derrière lui. Ensuite, tu l'égorges, tu le flingues, tu le plantes, tu fais le nécessaire. Toi, tu l'accompagnes. Quand ce sera fini, rapportez-moi le Speed Demon. Il l'a sûrement autour du cou. Donc, vous revenez ici, et on commencera le rituel. Hey, je suis pas sa babysitter. Chopper, c'est un ordre. C'est toi qui décides. Allô? C'est moi, ton pire cauchemar. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux n'a pas d'importance. En revanche, toi, tu veux Nathalie. Or, j'ai Nathalie. Elle est devant moi, ligotée. Tu lui as fait quoi? Rien, pour l'instant. Je pensais la brûler vive. Ça ferait un beau feu de joie. Et puis, je pourrais t'envoyer les cendres. Plusieurs pensent que dans la vie, on a besoin de deux téléphones. Un sans fil et un résidentiel. Contrairement à votre ancienne compagnie téléphonique, Fido a réuni les deux en un seul appareil. Le nouveau service Fido Uno. Il détecte votre réseau Wi-Fi et vous permet de faire des appels locaux illimités de la maison. Ajoutez-le à n'importe quel forfait pour $15 par mois. Fido Uno. Une une autre raison pour laquelle nous sommes le service sans fil le plus apprécié. Visitez un magasin Fido ou Fido.ca pour tous les détails. Ségolais Productions et l'Association pour le soutien et la solidarité au Canada présentent le fashion show Walk with Dignity. Ce défilé de mode aura lieu samedi le 24 mai à 20h au Rialto Paradisio, 5723 Avenue du Parc à Montréal. Cet événement est présenté en collaboration avec Antoine Laoum, opticien, Mega Music, La